Deuxième temps d'une semaine consacrée à Louis XIV et à son règne dans la fabrique de l'histoire, trois siècles après la mort et les funérailles du roi de France. Après vous avoir parlé hier de Versailles comme espace naturel, avant demain de débattre de l'éducation au grand siècle et jeudi d'évoquer la figure d'un grand historien récemment disparu, Pierre Goubert, auteur de Louis XIV et 20 millions de Français, nous vous proposons ce matin un documentaire sur la mort du roi, son agonie et ses funérailles. De Marly, où le mal le saisit, à Saint-Denis, où il fut enterré, en passant bien sûr par Versailles, Béatrix Saul, Alexandre Maral, Gérard Sabatier, Stanis Pérez et Joël Cornette nous décrivent les enjeux de cette fin de vie royale. Voilà, c'est la nuit. C'est une nuit très très particulière. C'est la nuit de la mort. Et ce n'est pas un hasard si, justement, le corps du roi, déjà enfermé dans un double cercueil de chêne et de métal, quitte Versailles au soir du 9 septembre 1715. Le soir, symbole évidemment de la mort qui arrive. Et il faut imaginer un cérémonial immense, 2000 personnes, plus d'un millier de flambeaux, qui seront d'ailleurs renouvelés à 4 reprises tout au long de la nuit. 1715, la mort du roi. Et c'est vraiment la mort. La mort qui est mise en scène, qui est mise en valeur dans ces lumières qui parsèment la nuit noire de ce mois de septembre 1715. La marche commença sur les 8 heures du soir, conduite par les sieurs de la chapelle, capitaine des gardes. Les compagnies des gendarmes, chevaux légers, gardes du corps, gardes de la porte et de la prévôté de l'hôtel et de Sang Suisse, commandés par leur capitaine et colonel. Le chariot du corps, suivi de celui du deuil, où étaient les princes du sang, et de celui des aumôniers, où était le confesseur du roi et monsieur le curé de Versailles, de ceux des officiers de la couronne, de plusieurs prélats et seigneurs, formaient une marche lugubre mais pompeuse, à laquelle se joignirent les officiers des sept offices et autres de la maison du roi. Et à 5h du matin se fait la jonction entre le cortège, on va dire royal, curial, et les moines de Saint-Denis, qui accueillent le roi pour le faire entrer dans la basilique, dans la nécropole, dans le lieu des morts de la monarchie. Et c'est à 7h du matin précisément que le corps parvient sur le parvis de la basilique. Et alors là aussi c'est symbolique, 7h du matin c'est le jour qui renaît, et d'une certaine manière c'est la renaissance. Et d'ailleurs, si vous regardez le portail de Saint-Denis qui vient d'être restauré, eh bien ce qui apparaît ici, c'est le dieu de la résurrection, c'est le jugement dernier. Et donc il faut imaginer le cercueil du roi, les 120 moines qui entourent le cercueil, une harangue est prononcée. Et donc on va faire entrer le roi dans ce lieu de la résurrection. La magnifique basilique de Saint-Denis symbolise la lumière, la renaissance finalement, promise par Dieu. Et on sait que c'est Suger qui, d'une certaine manière, a inventé l'art gothique et a fait de cette église une église lumière. Dieu est lumière. Et donc on est passé, et la métaphore là est tout à fait importante, de la nuit de la mort à la lumière de la résurrection. Regarde un si long règne, l'agonie pouvait-elle être plus brève? À la cour, chacun scrute depuis des mois, des années même, la santé d'un roi exposé aux yeux de tous. L'été 1715 sera l'été de la mort, mais d'une mort spectacle, baroque, une descente orchestrée vers la fin, mise en scène funèbre, faite de tissage fin, mêlant les considérations sur l'abnégation royale et les propos de couloir sur le corps dégradé du souverain, les conseils avisés du monarque finissant et les confidences édifiantes d'un entourage occupé à préparer la suite. Louis XIV meurt après 72 ans de règne. Versailles, puis Saint-Denis, seront les théâtres où pendant 3 mois se jouera cette pièce. On y croisera les valets éplorés, l'épouse morganatique, les médecins incapables, un ultime charlatan, le petit roi de 5 ans, les conseillers vertueux, les ministres intègres, la régence à venir, bref, la cour, comédie humaine miniature, splendide et parfois ridicule. Il y avait déjà quelques mois que le roi, qui commençait à goûter les douceurs de la paix qu'il avait achetée par tant de travaux, de dépenses et de sang, s'était retiré dans son aimable solitude. Lorsque, frappé d'une débilité d'estomac, dont il avait déjà auparavant ressenti quelque atteinte, il commença, aussi bien que Salomon, d'éprouver que tout ce qui est en ce monde n'est que vanité. Cette incommodité l'attaqua le samedi 10 août 1715, fête de Saint-Laurent, après dîner d'une manière plus violente que l'ordinaire. Monsieur Fagon, premier médecin de Sa Majesté, envoya aussitôt le sieur Antoine, l'un des garçons de la chambre du roi, dire à l'apothicaire que l'on apporta du carabée, dont le roi n'eut pas plutôt pris une dose qu'il se sentit considérablement soulagé et peu après se trouva en état de sortir pour prendre l'air et voir poser des statues de marbre blanc qu'il avait fait apporter depuis peu de Rome pour l'ornement de ses jardins. Alors le 10 août, il a quelques douleurs à Marly, on comprend qu'il est malade, mais on n'a pas idée de la gravité de la maladie, ni même de la nature de cette maladie. Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles. Son premier médecin, Fagon, diagnostique une simple sciatique, hein, donc c'est rien de très grave. Néanmoins, on revient à Versailles parce que la médecine, les soins vont pouvoir être dispensés plus aisément qu'à Marly. Alors le 19 août, le roi va de plus en plus mal, il s'alite et là les examens médicaux redoublent. Et ce n'est pas Fagon, ce n'est pas son premier médecin qui va d'ailleurs identifier la nature de la maladie, c'est son premier chirurgien, Maréchal, qui le 24 août seulement va dire, annoncer au roi qu'il a la gangrène. Et là c'est beaucoup plus grave, c'est une maladie fatale, hein. Le roi comprend que c'est fini pour lui. Les témoins nous disent d'ailleurs qu'il est... Il est pris d'une sorte de vague à l'âme, de mélancolie pendant quelques temps, une demi-heure, et puis ensuite il se ressaisit et là il va organiser sa mort. Hein. Il veut quitter la vie en grand roi. Qui sont ces médecins du roi, Stanis Pérez? Pour prendre les 3 premiers médecins, Antoine Valot, Antoine d'Aquin et Guy Cressin-Fagon, on peut dire que le premier est un arriviste, qui se méfie d'ailleurs de ses propres remèdes, sans doute, parce qu'il sait très bien que dans la médecine qu'il emploie, et dans la pharmacopée qu'il emploie, il y a aussi des substances toxiques. Le deuxième, Antoine d'Aquin, bénéficie de la confiance de la part du roi, sauf que il va être disgracié du jour au lendemain. On ignore les circonstances exactes, mais il est possible que ce médecin ait fait une allusion aux rapports intimes entre Louis XIV et Madame de Maintenon. Or, ce n'était pas prévu, on pourrait dire, par sa fonction. On s'aperçoit là que, malgré la confiance, il y a des limites. Très rapidement, le troisième cas, celui de Fagon, est un cas intéressant. Les deux hommes, Louis XIV et donc son médecin, sont nés la même année. On peut imaginer qu'ils ont le même rapport à la vieillesse et à tous ces embarras. Et du coup, on pourrait dire que ce dernier médecin a été... Le plus proche, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui a rempli sa mission sans aucune anicroche. Néanmoins, Fagon fait visiblement un mauvais diagnostic sur ce qui arrive à Louis XIV et ne voit pas, comme d'autres d'ailleurs, la gangrène venir. Alors, cet ultime diagnostic me pose problème. Parce que on n'a qu'un point de vue extérieur à une époque où on sait très bien que la chirurgie commence progressivement à s'imposer. Donc en 1715, s'il diagnostique ce qu'on appelle à l'époque une sphacelle, donc la gangrène, À ce moment-là, même si bien sûr on a des remèdes topiques, on a des emplâtres, etc., il sait très bien qu'il va être obligé de céder la place au chirurgien. Et je pense que cet accompagnement du patient par le médecin attitré, ce patient, c'est tout pour lui. Quand je dis c'est tout pour lui, si le patient décède, quand le roi meurt, le premier médecin perd sa charge. Sur les 7 heures du matin, c'était le samedi 19 et le 10e de la maladie, Monsieur Fagon et le reste de la faculté étant entrés, ils trouvèrent la fièvre fort augmentée. Ils entrèrent dans le cabinet pour consulter s'ils ne trouveraient point quelque remède capable de soulager le malade, mais leur lumière n'allant point jusque-là, ils continuèrent donc le même régime. Ils revinrent sur les 10 heures pour voir panser la jambe du roi. Ils y trouvèrent un grand changement. Elle était enflée, et Monsieur Maréchal remarqua une petite noirceur sur le cou de pied qui lui sembla de mauvais augure. Il dissimula le jugement qu'il portait et, ayant frotté la jambe de linge chaud, le malade en eut un peu de soulagement. Journal historique des frères Antoine. Traditionnellement, les médecins de Louis XIV, en tout cas sur la totalité quasiment, il y a juste une exception à la fin, mais sur la totalité du règne, ces médecins sont critiqués. Ils sont critiqués par les doyens de la faculté de Paris qui considèrent que ce sont quasiment des charlatans, mondains surtout, qui sont devenus de grands courtisans, qui ont réussi à prospérer, qui ont su d'ailleurs une clientèle prestigieuse parce qu'évidemment, ils soignent le roi de France. C'est quasiment au plus offrant, ou en tout cas au médecin qui aura à la fois, on va dire, la confiance d'une partie de la cour, mais qui en même temps aura les moyens d'acheter une charge très importante et prestigieuse parce qu'elle est anoblissante. Mais ce sont des, assez paradoxalement, des médecins qui n'ont quasiment jamais rien publié. Sur les 6 heures du matin, le 23 août et le 14e de la maladie, Monsieur Fagon s'approcha du lit de Sa Majesté tenant une écuelle pleine de lait d'ânesse et dit « Sire, c'est du lait d'ânesse qu'il faut que votre Majesté prenne présentement pour lui humecter la poitrine. » Le roi le prit et dit qu'il le trouvait bon. Il se rendormit un moment et, s'étant réveillé pour un instant à cause d'une sensation d'élancement à sa jambe, il se rendormit encore jusqu'à 9 heures. Il s'éveilla alors dans une sueur copieuse. Monsieur Maréchal débanda sa jambe en présence des médecins qui n'osèrent manifester leur surprise de la voir en si mauvais état. Ils se retirèrent pour faire place aux officiers de la chambre et de la garde-robe qui entrèrent pour lever le roi et lorsqu'il fut placé dans son fauteuil et qu'il eut pris un bouillon, ceux qui n'étaient plus nécessaires pour le service sortirent pour faire place à la troupe des médecins qui rentrèrent conduits par Monsieur Fagon. Ils firent leur révérence de cérémonie et tâtèrent le pouls du malade selon leur rang d'ancienneté comme la première fois. Ils le trouvèrent élevé et fort agité. Et pour dire quelque chose, ils lui demandèrent si le lait d'ânesse lui avait fait du bien. « Assez bien, mais point de soulagement à ma jambe », répondit-il. Ils dirent qu'ils allaient converser ensemble, mais après une heure de consultation, ils demeurèrent à l'ânesse qu'ils chargèrent du mauvais succès de leur intervention. Louis XIV a fait partie de ses souverains piégés par sa propre étiquette. Stanis Pérez. C'est un piège, on pourrait dire, tendu à la fin du Moyen-Âge par la Bourgogne, puis ça se retrouve en Espagne, et puis Catherine de Médicis donne des instructions très très précises voilà, à ses enfants en disant « mais si vous voulez remettre de l'ordre dans votre cour, vous devez impérativement vous montrer ». Vous montrer, c'est-à-dire à la fois voir vos courtisans et que les courtisans vous voient. Mais à partir de ce moment-là, on tombe dans le piège suivant, qui est celle d'une forme de visibilité intégrale. Donc visibilité intégrale, pour quelqu'un qui même n'a pas, je dirais, le moindre rudiment de connaissances médicales. Un teint un peu jaune, bien sûr, des yeux un peu vitreux. Une perte d'appétit, un embonpoint croissant, une difficulté à se déplacer ou à s'exprimer, et tout de suite, on peut arriver à une forme de diagnostic, mais je dirais de diagnostic improvisé, mais qui n'est pas forcément un mauvais diagnostic. On peut qualifier ensuite de rumeur, etc., et que le médecin, lui, va essayer de transformer, parce que le médecin, lui, il doit rationaliser. Et d'ailleurs, l'un des premiers médecins du roi, Antoine Valo a un jour cette idée géniale de rédiger, année après année, ou on pourrait dire presque semestre ou mois après mois, des annales de la santé royale. Compromis entre le mémoire professionnel, si on peut dire, et en même temps le mémoire littéraire tout court, qui consiste à mettre en avant ce que la monarchie devait à ce serviteur fidèle, que ce soit un courtisan, un aristocrate, ou là, en l'occurrence, un médecin. La journée du roi est réglée comme une montre. Toute sa journée est parfaitement publique. Alors, il y a le matin, il y a le conseil, il y a la messe, puis il y a le repas de midi, qu'on appelle le dîner. L'après-midi, il y a les promenades ou la chasse. Et ensuite, alors là, il a quelques moments d'intimité, il se rend chez Madame de Maintenon, mais souvent, c'est pour y travailler avec tel ou tel ministre. Et enfin, le soir, il y a les soirées d'appartement ou bien la comédie, le souper et le coucher du roi. Donc toutes ces actions sont publiques. En fait, il hérite d'un certain nombre de cérémonies, de rituels de cour, mais il leur donne un développement inédit et la machine fonctionne très bien. Le système de cour inventé à Versailles par Louis XIV permet effectivement de mieux tenir son monde, la noblesse notamment, d'opérer aussi une fusion entre les élites attachées au service de l'État et celles d'épée, de vieilles familles. Joël Cornet. Et songez que même Versailles est conçu comme un grand théâtre du pouvoir, dont la scène serait le palais, et finalement la salle de spectacle serait la France entière. Il y a presque une symbolique, d'ailleurs, le fait que la chambre du roi soit au premier étage, face à la ville, face aux trois avenues qui se projettent vers le royaume, c'est une image de ce roi qui est au cœur même du pouvoir, et Versailles mime cette espèce de théâtralisation de l'autorité politique. Il y a donc, au temps de Louis XIV, une hyper-personnalisation du pouvoir, c'est ça qui est frappant. Et d'ailleurs, toutes les formes d'art, toutes les formes d'expression artistique sont captées au profit de l'exaltation du pouvoir royal. Alors jusqu'en 1701, la chambre du roi est la pièce mitoyenne de celle où nous nous trouvons, Alexandre Maral, qui est l'actuel salon de l'œil de bœuf, qui à l'époque était donc divisé en deux. Il y avait le salon des bassins, qui faisait office de seconde antichambre, et la chambre, qui occupait la moitié de l'actuel salon de l'œil de bœuf. Ici, avant 1701, c'était en fait la pièce la plus importante du dispositif, puisque c'est par le salon du roi que le roi entre dans la galerie, et tout le décor de la galerie, toute la perception de la galerie a été conçue en fonction de cette partie centrale. Ça, c'est essentiel et on l'oublie aujourd'hui parce qu'évidemment, en 1701, Louis XIV fait occulter la communication, fait condamner la communication entre le salon du roi et la galerie, et dès lors, la perception de la galerie est beaucoup plus linéaire depuis un des salons extrêmes plutôt que depuis la partie centrale. Alors, au milieu de cette chambre du roi, en 1701, un lit à baldaquin, avec des plumets d'autruche au-dessus, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais en tout cas c'est ce que l'on voit aussi aujourd'hui ici, des grands draps de brocart tout autour, et une balustrade qui sépare le lit du reste de cette chambre. Comment circule-t-on ? Qui est derrière la balustrade près du lit ? Qui est devant la balustrade loin du lit, d'une certaine façon, Alexandre Maral ? La balustrade sépare la pièce en deux. Il y a la partie réservée strictement au roi, qui est un petit peu le saint des saints de Versailles. Seul le roi et les serviteurs, les membres de son entourage qui ont des fonctions précises à accomplir autour de son corps, et notamment ses aumôniers qui viennent le matin lui apporter ses livres de prière, ont le droit de pénétrer. Le reste des courtisans sont en deçà, comme nous, devant la balustrade. Devant la balustrade, et on ne pénètre pas dans l'espace sacré réservé au souverain. Vous parliez donc du mobilier de cette chambre. C'est un meuble qui a été reconstitué dans les années 1980, enfin inauguré en 1980. En revanche, ce qui est vraiment d'origine, ce sont les boiseries qui datent de 1701 pour l'essentiel, et les peintures, notamment donc les dessus de porte et les peintures d'attiques, elles sont presque toutes d'origine, notamment les quatre évangélistes qui étaient des tableaux très chers à Louis XIV, qu'il a choisi lui-même et qu'il a fait installer dans sa chambre. Monsieur le cardinal lui administra les saints viatiques et l'extrême onction qu'il reçut avec grande démonstration de componction et de piété. Répétant plusieurs fois ces paroles entrecoupées de sanglots et de larmes, « Mon Dieu, ayez pitié de moi, j'espère en votre miséricorde. » Les pleurs et les gémissements retentissaient de tous côtés. La cérémonie et les prières finies, monsieur le cardinal fit une seconde exhortation au roi sur la grâce que Dieu venait de lui faire, lui donna la bénédiction du Saint-Sacrement qu'il reporta à la chapelle dans les mêmes ordres qu'il était venu. À cette nouvelle accourut une si grande affluence de peuple que non seulement les appartements et la cour du château, mais aussi les rues et places de Versailles en étaient remplies. C'était une consternation générale, tant ils étaient alarmés du péril où était le roi. Dans La mort du roi, un ouvrage que j'avais publié en 2006, j'avais édité précisément nombre de ces récits de décès de souverains. Stanis Pérez. Ces textes constituent aussi une forme de revanche. Ce souverain omniprésent ou omnipotent, alors oui, bien sûr, lorsqu'il meurt, c'est toujours une bonne mort. On prend les récits de la mort de Philippe II, Philippe III, Philippe IV, Charles Quint en Espagne, on prend le récit de la mort de Charles IX, de Louis XIII. Il y a toujours un moment où il y a un répit, quel que soit l'auteur. On a toujours un moment où ce roi qui est à l'agonie, qui a perdu conscience, reprend une forme de vigueur, une forme de vie presque, on parle presque de résurrection, de petits miracles éphémères. Émet parfois une sentence importante. Oui, bien sûr. Ou m'avait cru immortel. Il se remet à parler, il prononce, c'est le cas de Louis XIV, alors qu'il est inconscient, il reprend les prières, voilà. Donc bon. Mais on le retrouve dans tous les textes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'historien doit se poser la question de savoir si c'est pas une figure de style. Une figure de style qui consiste à permettre une sorte de petite parenthèse dans cette mort annoncée qui répond assez systématiquement, d'ailleurs, à une logique spirituelle. C'est-à-dire que le répit, il intervient toujours au moment où le confesseur arrive, l'extrême onction, et là, il y a toujours une sorte d'amélioration, mais qui ensuite se traduit systématiquement par le roi est rentré dans une forme de long sommeil et s'est éteint tout doucement en faisant l'admiration de toute cette cour autour de lui réunie parce que il est mort paisiblement et en bonne et due forme, si on peut dire, au niveau spirituel. Il y a trois aspects en fait dans la mort qu'il met en scène à partir du 24 août. Il meurt en roi très chrétien, donc c'est la dimension religieuse. Alors c'est la confession au père Letellier, son confesseur. Les derniers sacrements, le viatique et l'extrême onction, le 25 août, jour de la Saint-Louis. Et puis ce sont les prières qu'il continue de réciter jusqu'à la dernière. Son dernier mot, c'est « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Traduction française d'une prière liturgique latine. C'est intéressant de noter comment il nourrissait sa prière. Ça, c'est la mort en roi très chrétien. La mort curiale, avec donc les entrées, le côté public de cette mort qui demeure jusqu'à la fin. Il meurt en public comme il a vécu. Il y a beaucoup de témoins, ce qui nous vaut d'ailleurs des témoignages très précis qui ont été consignés. Le marquis de Dangeau, qui était un ami, un courtisan fidèle de Louis XIV, qui a noté heure par heure tout ce qui se passe pendant sa dernière maladie, mais il n'a pas été le seul. Il y a quantité d'autres témoins. Le journal des Antoine. Le journal des frères Antoine, qui avait des fonctions auprès du roi. L'un était garçon de la chambre, l'autre était porte-arquebuse. Et puis d'autres témoins, plus ou moins proches du roi, et qui ont pu entrer dans la chambre, comme Saint-Simon, par exemple, qui n'est pas spécialement un intime du roi, mais qui a pu voir ce qui se passait. Journal historique des frères Antoine. Un moment après que les chirurgiens furent retirés, le roi commanda qu'on lui amenât Monsieur le Dauphin. Il arriva aussitôt avec Madame de Ventadour, sa gouvernante. Cette dame le plaça dans un fauteuil au chevet du lit de Sa Majesté, qui, l'ayant considéré avec application et une espèce de complaisance, lui dit, les larmes aux yeux, ces belles paroles qu'on a depuis écrites en gros caractères dans un tableau placé au chevet du jeune roi pour les imprimer dans sa mémoire et en graver les maximes dans son cœur. « Mon enfant, vous allez être un grand roi. N'oubliez jamais les grandes obligations que vous avez envers Dieu. Ne m'imitez pas, surtout dans les guerres avec vos voisins. Soulagez votre peuple plus que vous pourrez. J'ai eu le malheur, par les nécessités de l'État, de ne le pouvoir faire. » Et puis, il y a une dimension politique aussi très forte. Il est conscient que la succession ne va pas être facile parce que son successeur n'est qu'un enfant de 5 ans et quelques mois, c'est le futur Louis XV. Toutes les générations intermédiaires ont disparu au cours des années qui ont précédé. Ça veut dire qu'il va y avoir une régence. Donc, tout ça est prévu déjà par le testament, mais la question reste d'actualité. D'autant que le roi d'Espagne, qui est un des petits-fils de Louis XIV, qui a officiellement renoncé à ses prétentions au trône de France, eh bien, ce roi d'Espagne intrigue et s'agite pour faire valoir un éventuel rôle à jouer dans la succession, soit comme régent ou un rôle politique que Louis XIV ne veut pas lui concéder. Ça a beau être son petit-fils, il n'est pas question que le roi d'Espagne mette son nez dans les affaires de France. On sort de la guerre de succession d'Espagne. Louis XIV veut que l'avenir soit ouvert comme une ère de paix, une ère de paix. Et c'est d'ailleurs le message qu'il délivre à son successeur, l'enfant de 5 ans, qui ne comprend peut-être pas grand-chose à ce que dit son arrière-grand-père, mais il y a des témoins, et c'est ça qui est important. Les témoins entendent, mignon, vous allez être un grand roi, soyez un prince pacifique, j'ai trop aimé la guerre. Et ça, c'est le discours du 26 août, très important. Toute la journée du 26 août, d'ailleurs, ce sont les grands adieux du roi aux différents membres de son entourage. Et ce sont des discours, bien souvent, de portée politique. Il y a aussi cette phrase célèbre, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Ça aussi, c'est très, très fort de dire ça le 26 août. Et donc, il y a aussi plusieurs audiences qui ont lieu ce jour-là. Et à chacune d'entre elles, Louis XIV trouve des mots très émouvants, mais aussi très forts, d'un point de vue politique. Sur les 5 heures du matin, il perdit absolument toute apparence de vie excepté la respiration. Son visage devint pâle et tourné à la mort. Ses yeux se fermèrent et il ne donna plus aucune marque de sentiment. 2 heures après, la nature faisant un dernier effort, le roi tomba dans l'agonie qui dura encore 2 autres heures et finit à 8h30 quart du matin par quelques petits soupirs et 2 hoquets sans aucune agitation ni convulsion. Ainsi mourut Louis XIV, le premier jour de septembre 1715, âgé de 77 ans moins 4 jours, après avoir régné 72 ans, 3 mois et 18 jours. Ainsi passa la gloire du monde, sic transit gloria mundi. On ouvre très rapidement les portes de la chambre. Tout le monde peut passer sans qu'il y ait ordre. Toute la population vient. Béatrix Saul, directeur conservateur général du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Ça veut dire que de 8h15 du matin jusqu'à 8h du soir, le jour de la mort, le 1er septembre, eh bien, c'est un défilé permanent dans la chambre du roi. Oui, alors plus exactement de midi à 8h du soir, parce que jusqu'à midi, il y a eu les préparatifs, c'est-à-dire qu'on a rafraîchi le visage du roi, on lui a fermé les yeux, mis le bandeau, on a rafraîchi la garniture du lit, et puis on a placé la crédence avec le crucifix et les chandeliers, on a dressé les autels, et pendant toute la matinée, ce sont des messes qui sont récitées. Et à midi, on ouvre toutes les portes et il y a tellement, tellement de monde qu'à un moment, on est obligé de fermer un ventail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bousculade. Et chose extraordinaire, tout ce monde-là sortait par le petit escalier, c'est-à-dire par véritablement les intérieurs du roi, sur lesquels personne ne pénétrait, sauf vraiment des intimes. Donc là, nécessité faisant loi, il y a ce passage continuel là de personnes non contrôlées. Le climat est à quoi la tension, est à la panique, est à l'excitation? Pour tous ceux qui étaient les serviteurs rapprochés du roi, c'est de l'affliction, parce qu'il y avait une véritable, pour les serviteurs rapprochés, une véritable affection envers le roi. Mais pour beaucoup aussi, c'est du soulagement. C'est aussi des ambitions que l'on espère pouvoir développer et qui étaient arrêtées. Donc c'est très mitigé. Le régent est extrêmement préoccupé par le fait qu'il faut mettre en place, prendre les rênes du gouvernement. Il faut qu'il règle le problème du testament de Louis XIV. Non, il ne va pas le casser, mais il va le modifier dans l'institution d'un conseil de régence. Il ne veut pas que son pouvoir soit limité. Il ne veut pas non plus que l'éducation du petit roi lui échappe complètement. Et il ne veut surtout pas que le duc du Maine ait les commandements militaires. Donc ça, c'est une préoccupation importante. Et ensuite, il sait qu'il va avoir affaire à face à toutes les nominations, parce que la disparition du souverain veut dire dissolution de la maison du roi. Ça veut dire, enfin, il y a énormément, ça induit énormément de choses à faire. Gérard Sabatier, nous sommes dans le salon de l'Œil de Bœuf, qui est contigu à la chambre du roi, et ce lieu a eu un rôle au moment de la mort du roi et dans ses suites, un rôle particulier. Voilà. La première journée, le roi est exposé dans son lit de mort, dans la chambre de 1701 qui est juste à côté. Cette exposition avait pour but de faire constater la mort du roi. Les portes sont ouvertes et le public est admis sans ordre et sans protocole et défile pendant toute la journée. Mais dès le lendemain matin, selon l'usage, le roi est amené ici pour cet étrange rituel de l'autopsie, de la trépartition et de l'embaumement. La tradition est d'ouvrir le corps pour vérifier l'état du cadavre et préciser les raisons de la mort. Le roi a donc été ici, l'endroit où nous nous trouvons, allongé sur une grande table à 6h du matin. Une cérémonie tout à fait officielle, il y avait là une trentaine de médecins, les médecins du roi, mais aussi les médecins de la faculté de Paris qui étaient venus, plus une bonne vingtaine de membres de la cour, et notamment des grands officiers, les gens de la maison du roi, en gros, une bonne quarantaine de personnes. Le chirurgien officie. On constate l'état du corps, on dresse un procès-verbal qui va être publié, comme toutes les morts célèbres, pour dire effectivement de quoi le roi était mort. Procès-verbal précieux dans le cas d'une mort suspecte, ce n'est pas le cas de Louis XIV, mais c'est un peu, j'ai pu appeler ça, le dernier portrait du roi, cet extraordinaire procès-verbal, on peut penser. Ce que ça devait être dans la tête de ces personnes qui étaient là où nous nous trouvons actuellement, d'avoir devant eux le corps du roi, ce corps sacré, ce corps qui a été couronné et encensé à Reims, ce corps est là, nu, dans un état de décomposition assez incroyable, toute la moitié gauche, et voilà qu'on on le découpe. Les viscères ont été prélevés et sont gardés dans une boîte de plomb, le cœur de même. Le corps ensuite va être embaumé, non pas dans le but de le conserver pour l'éternité, nous sommes dans une civilisation chrétienne, tu es poussière et tu retourneras poussière. Embaumé, comme le nom l'indique bien, avec des herbes aromatiques, avec des baumes, car il va falloir le conserver pendant quelque temps pour que les cérémonies puissent se dérouler, et c'est un peu trivial à dire, mais pour qu'il sente moins mauvais, tout simplement il est embaumé. Au bout de 2 ou 3 heures, on l'a mis dans un cercueil de plomb, tout ficelé, tout plein de bandelettes, lui-même cercueil de plomb déposé dans un cercueil de bois, très simple, avec une plaque de cuivre dessus, c'est le corps du, etc., etc., mort dans son château de Versailles, le corps du roi de France et de Navarre, voilà. Béatrix Saul, vous nous accueillez dans le salon de Mercure au château de Versailles, un endroit tout particulier dans le rituel mortuaire de Louis XIV. C'est ici qu'il est exposé ? C'est effectivement dans le salon de Mercure que, pour des raisons de commodité, on a exposé pendant une semaine entière le cercueil du roi. En vérité, on considère que c'était comme si c'était la chambre du trépas. Il faut savoir qu'il y avait en France un rituel qui a perduré de Charles V au XVe siècle jusqu'à Henri IV en 1610, qui était le rituel de l'effigie et des honneurs rendus au souverain pendant un certain laps de temps. Cette effigie, c'était en fait un mannequin d'osier avec une tête de cire qui reprenait de façon très réaliste les traits du souverain. Et puis les mains aussi étaient en cire. Le roi était habillé avec tous les emblèmes royaux, le manteau, la couronne. et on avait l'impression qu'il continuait à vivre, à tel point qu'on le servait, ses officiers le servaient comme s'il était encore vivant. On lui servait des repas, par exemple. Et cette fiction du roi encore vivant s'explique à un moment où la succession n'allait pas de soi. Il est certain qu'au XVIIe siècle, on n'a plus ce problème. Et c'est Louis XIII, le premier, qui, considérant que cette coutume n'avait plus de raison d'être, et aussi considérant qu'elle avait un caractère trop païen, parce que Louis XIII a eu une mort admirable sur le plan chrétien, hein, assisté de Saint Vincent de Paul, ça a été pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle le modèle de la bonne mort, eh bien Louis XIII a considérablement simplifié le rituel monarchique et celui de l'exposition du corps en particulier, puisque lui-même, mourant à Saint-Germain, a été exposé dans son corps même, embaumé pendant 3 jours seulement, et ensuite porté de Saint-Germain à Saint-Denis, sans traverser Paris. Les rois de France, à partir de Louis XIII, ont donc supprimé l'effigie. Ils ont supprimé le grand cortège qui groupait autour du corps du roi et de l'effigie du roi toute la population parisienne, tous les corps de métier et les gens du roi, bien sûr. Mais c'était la nation, si on peut dire, rassemblée, le corps de la nation rassemblé autour de son chef. Louis XIII n'a plus voulu de ça. Et on a eu uniquement un cortège qui est celui du corps du prince qui partait vers Saint-Denis. Par contre, ceci, on l'a constaté, est resté en Allemagne très vivant à travers tout le XVIIe, XVIIIe siècle. Les principautés de Hanovre, de Brunswick, les États de Saxe, par exemple, en profitent au moment de ses funérailles, pour faire l'étalage à ce moment-là d'une puissance que les rois de France estimaient inutile de valoriser à ce moment-là. Joël Cornette. Ce qui est frappant dans le cortège de Louis XIV, c'est qu'il y a une sorte de curialisation de ce cortège. C'est-à-dire c'est essentiellement la cour, c'est essentiellement la noblesse, c'est essentiellement finalement la société de Versailles qui se déploie vers Saint-Denis, alors que les sujets sont finalement des spectateurs. Donc il y a là une séparation presque physique qui existait d'ailleurs à Versailles entre le lieu du roi qui est coupé finalement de la société réelle. Le convoi passa sur le pont de Sèvres et au travers du parc de Madrid, où l'on renouvela les flambeaux au nombre de 8 à 900, et arriva sur les 5 heures du matin 10 septembre au grand pavé qui conduit de Paris à Saint-Denis entre les deux croix, dont l'une s'appelle la croix penchée et l'autre la croix des caves. Le roi transporté, très solennellement d'ailleurs, et non pas du tout en catimini, transporté directement à Saint-Denis. Là, pendant des semaines, il va être honoré et il va surtout être l'objet d'une apothéose extraordinaire avec ses immenses funérailles et ses catafalques qui sont aménagées, préparées, construites. Et ce qui était un rituel de modestie sous Louis XIII est devenu un rituel de grande somptuosité sous Louis XIV et ses successeurs. Tout est mis en scène. À Saint-Denis, on va édifier un catafalque provisoire qu'on appellera d'ailleurs une représentation ou même un théâtre. Dans les termes, le dispositif pour présenter le cercueil est appelé représentation ou même théâtre. Il va y avoir donc un dispositif provisoire extrêmement théâtral avec des cariatides, de squelettes extraordinaires. Et en attendant que les menus plaisirs puissent réaliser tout le décor qui va transformer la basilique Saint-Denis en une véritable salle de spectacle. Louis XIV a été déposé, le corps de Louis XIV a été déposé donc le 10 septembre 1715 à Saint-Denis, et donc on a édifié un catafalque mettant en valeur évidemment le cercueil du roi, et au-dessus du cercueil on a la couronne et les régalias, c'est-à-dire les instruments de la souveraineté, et c'est assez, je dirais, spectaculaire, puisque nous sommes, je dirais, dans cette esthétique baroque qui depuis le XVIe siècle, ça a commencé à Rome d'ailleurs, c'est les papes, hein, dont Sixte Quint en l'occurrence, qui ont inauguré cette espèce de grand déploiement déploiement presque, je dirais, théâtral de la représentation du trépas. Ce type de funérailles dans Gérard Sabatier, l'établissement religieux qui a succédé donc aux honneurs rendus au prince dans sa maison, s'est répandu et est devenu la mode dans toute l'Europe. Les jésuites ont proposé d'adapter en France ce que les Italiens pratiquaient depuis déjà maintenant un bon siècle, c'est-à-dire, on pourrait dire, une sorte de triomphe funèbre. Voilà, les Italiens ont inventé, peut-on dire, ces extraordinaires catafalques sur le mode des pyramides, sur le mode des temples antiques. Et on voit à travers tout le XVIIe siècle en France cette mode se répandre. La première reine à en bénéficier, ce fut par exemple Anne d'Autriche, quand Ménestrier, le jésuite Ménestrier, a organisé ses funérailles à l'italienne à Grenoble. Ménestrier a été un de ceux qui ont travaillé avec les artistes du roi, notamment avec Bérin. Et Ménestrier ensuite a lancé cette mode, on peut dire, de ses funérailles à l'italienne, qu'il a théorisé dans son ouvrage de 1683, des décorations funèbres. Joël Cornette. Vous évoquiez les gravures, et effectivement, on a des gravures, des tableaux qui représentent, je pense par exemple aux funérailles de Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, qui meurt en 1683. On a des funérailles grandioses aussi, je pense à Turenne, chef de guerre, tué à Salzbourg d'un coup de boulet en 1675, et Turenne a eu aussi des funérailles tout à fait spectaculaires, le frère du roi aussi, en 1701. Donc on a, voilà, tout au long du règne, cette espèce de grand spectacle de la mort. Et on va le retrouver, ce spectacle, au temps de la mort de Louis XIV. Louis XIV avait demandé que ses funérailles soient simples, les plus simples possibles, à l'imitation de son père, Louis XIII, et c'est pas du tout ce qui a été décidé, hein, puisque le 23 octobre 1715, c'était évidemment un immense spectacle qui se déploie pour les funérailles officielles du roi. Notamment, il y avait toute une série de scènes qui étaient représentées, qui mettaient en valeur non plus le roi de guerre, mais le roi chrétien, ce qui est logique, évidemment. L'administrateur aussi du royaume, puisque l'une des, un des héritages de Louis XIV, c'est la construction de l'État absolu. Et effectivement, ces images des funérailles, je dirais, sont presque l'inverse des images de Versailles. La guerre disparaît. Sur la vingtaine de représentations, il n'y a, je crois, que deux représentations qui évoquent le roi de guerre. Donc là, on a vraiment une inversion des valeurs. Ce qui est mis en valeur, c'est le roi très chrétien et c'est le roi administrateur. Il va y avoir des loges Béatrice dans le chœur pour les personnes qui ont des billets pour rentrer. Deux fois 8 loges, c'est ça, 16 loges. Oui, dans la partie uniquement chœur, c'est-à-dire que la population est derrière le jubé et assiste. Au-dessus du jubé, il y a la musique, et puis ensuite, il y a comme le parterre et les loges pour toutes les princes, les cours souveraines, le parlement, la chambre des comptes et toutes les personnes qui ont réussi à avoir des billets pour assister à cette grande représentation qui dure 5 heures. Pour Louis XIV, à Saint-Denis. Et tout ceci avec l'essence tout sollicité, hein, parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi les jurés crieurs qui agitent leurs sonnettes sans arrêt, l'encens, il y a les lumières, parce que alors là, il y a une débauche de bougies, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, ces cérémonies qui sont organisées par l'administration des menus plaisirs, les funérailles sont plus coûteuses que toutes les autres cérémonies pour les baptêmes ou les mariages. C'est ça, parce qu'il y a aussi une économie curiale. Et les funérailles et le deuil jouent énormément dans l'économie curiale. Par exemple, on sait que les draps noirs, au moment d'un grand deuil, le prix des draps noirs augmente considérablement. On sait par Saint-Simon, par exemple, que le régent d'Orléans a été assailli d'une foule de demandes de courtisans ou d'hommes d'église, car ceux-là sont encore les plus pénibles, dans leur lutte, par exemple, avec le clergé de Saint-Denis, ou leur lutte d'ancienneté, les uns par rapport aux autres, qui veulent à toute force être placés devant ou être placés, surtout pas à côté d'eux, etc. Et on sait que pour Louis XIV, par exemple, le régent d'Orléans a été excédé décédée par des demandes qui lui étaient faites sans arrêt. Et lui, qui était un homme de paix et qui voulait que ses vieilles histoires se tassent, et surtout qui voulait aller de l'avant et s'empresser de gouverner et de nommer au gouvernement les gens qu'il voulait, a dû arbitrer, mais dans la lassitude et à la grande fureur de Saint-Simon, qui trouve que Orléans vraiment n'était pas à la hauteur, bien sûr. Il y a à la fois un monde qui s'en va, le monde du roi, le monde du XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV, si je puis employer cette expression, et puis un autre monde qui est parfaitement en phase avec le futur, et le futur est incarné par Philippe d'Orléans, qui dès le 2 septembre d'ailleurs prend le pouvoir, hein, une sorte de coup d'État au Parlement, en cassant le testament de Louis XIV, mais on a quand même respecté tout le grand cérémonial funèbre, qui effectivement dure plus de 40 jours, et dans toutes les villes d'ailleurs, et dans toutes les paroisses du royaume, partout des messes sont dites, partout des sermons sont prononcés, et donc il y a presque les deux France. La France de Louis XIV qui est enterrée, finalement, si je puis dire, un peu partout, et puis la France de Louis XV qui s'éveille, qui se réveille. C'est vrai qu'à Paris, on fait la fête dès le lendemain de la mort du roi. Voilà, il n'y a pas de contradiction apparente pour les contemporains entre ces deux temporalités. J'ai vu la Bastille et Vincennes, le Châtelet, Bicêtre, et mis le prison pleine. De braves citoyens, de fidèles sujets, j'ai vu la liberté ravie, de la droite raison, la règle peu suivie. J'ai vu l'hypocrite honoré, j'ai vu, c'est dire tout, le jésuite adoré. J'ai vu ces mots sous le règne funeste d'un prince que jadis la colère céleste accorda par vengeance à nos désirs ardents. J'ai vu ces mots, et je n'ai pas 20 ans. Antoine-Louis Lebrun. Vous expliquez dans votre livre sur la mort de Louis XIV, paru chez Gallimard, Joël Cornette, qu'il y a de nombreux libelles à la mort de Louis XIV. Vous en citez quelques-uns. Un dit, par exemple, « Démon, refusez-lui l'entrée, il pillerait tous les enfers ». Donc c'est assez fort, effectivement. Ou un autre dit « Le grand Louis est trépassé et les médecins ont trouvé 200 qu'il n'avait qu'une livre ». Hélas que j'en suis étonné, car il nous avait bien sucé. Voilà, le fait que le roi ait sucé le peuple, la sangsue du peuple, c'est le roi. Et l'image qu'on garde de Louis XIV, c'est l'image d'un roi, je dirais, prédateur de la société par la médiation des impôts. Parce qu'il faut jamais oublier que les dernières années, les dernières décennies même du règne de Louis XIV sont stigmatisées par la guerre, par des guerres récurrentes qui coûtent évidemment de plus en plus d'argent, qui paraissent absolument d'une longueur insupportable à la société. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession d'Espagne, auxquelles s'ajoutent des crises climatiques, météorologiques particulièrement violentes en 1693, en 1709. Et tout ça, évidemment, pèse très très lourd sur le quotidien des 20 millions de sujets et de, je dirais, de tous les sujets du roi, puisque non seulement les paysans, les artisans sont frappés de plein fouet par la surfiscalisation, mais même les officiers, même la bourgeoisie sont touchés par des réductions de rentes, par des impôts presque forcés, par des impôts supplémentaires aussi, la capitation et le dixième qui s'appliquent à tous. Donc voilà, je pense que ce roi des impôts, finalement, c'est un peu l'image qui reste la plus marquante à la fin du règne de Louis XIV. Ici gît le roi des impôts, dont chacun l'âme ravit, que Dieu lui donne le repos qu'il nous ôta pendant sa vie. Si gît le père des impôts, disons-lui des patenôtres, s'il est en haut pour son repos, il y est aussi pour le nôtre. Ici gît que la gangrène jusqu'aux os rongea, il méritait bien peu cette peine, car jusqu'aux os il nous mangea. Si gît Louis qu'on ne connut que dans le moment qu'il mourut, il a tant aimé notre argent qu'il le fit tout partir devant. C'était un prince sans égal, oui, pour savoir faire le mal. Joël Cornette, on sait combien la moindre critique du roi, de près ou de loin du temps de Louis XIV, pouvait être vous conduire dans des endroits qui étaient plus humides que chez soi, généralement. Oui, par exemple la Bastille. Voilà. Très étonnamment, vous expliquez dans vos ouvrages que lorsque Louis XIV meurt, que les libelles paraissent, le régent, tout de suite, refuse d'intervenir. Il laisse faire, une sorte de laisser passer. Comment peut-on expliquer ça ? Voilà, la fin du règne de Louis XIV, c'est vraiment une sorte d'étouffement. C'est-à-dire que je pense que, je prends une expression peut-être un peu vulgaire, ras-le-bol, je pense que tout le monde en a marre. Et à part les valets, qui étaient très proches du corps du roi, qui ont vécu dans la douleur, l'agonie et la mort de leur maître, tout le monde finalement se réjouit plus ou moins ouvertement de cette mort, à commencer par la famille royale, et si par cercle concentrique, jusqu'au point extrême de l'Europe, on se réjouit d'une certaine manière de la mort de ce roi de guerre qui a pesé vraiment lourdement sur la fin du XVIIe siècle. Alors le régent, c'est tout ça. Je pense que le régent a compris cette force nouvelle qui est la nouvelle force politique du XVIIIe siècle qu'on appelle l'opinion publique. Et donc il a bien compris que cette opinion publique avait absolument besoin de s'exprimer. Et donc c'est vrai qu'en D'Argenson, le lieutenant général de police lui a dit « Paris est submergé de libelles, de pamphlets, il faut absolument sévir ». Eh bien, Philippe d'Orléans dit non, on ne va pas sévir, laissons-les s'exprimer. Après tout, peut-être ont-ils leur raison. Et je pense que là, Philippe d'Orléans a eu parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a crevé l'abcès, d'une certaine manière. Voilà, je reprends encore un vocabulaire médical. On a crevé l'abcès et pendant 1 an, 2 ans, on a vraiment cette libération par la parole, par la chanson, par le pamphlet, par la moquerie du règne de Louis XIV. — 1715, la mort du roi. Avec Joël Cornette, Béatrix Saulle, Alexandre Maral, Gérard Sabatier, Stanis Pérez. Prise de son, Georges Thau et Yann Fressy. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire sur une idée de Perrine Kervran, signé Emmanuel Laurentin et réalisé par Anne Fleury. Demain, nous continuons cette semaine consacrée à Louis XIV et à son règne en nous intéressant à la façon dont certains réformateurs ont pensé les questions de l'éducation au grand siècle. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter et télécharger cette émission, bien sûr, mais également laisser vos commentaires ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. À demain.